On est en plein cœur de l'été, évidemment, c'est pas beaucoup le temps de parler de hockey. Par contre, il y a eu un partage fait sur les médias sociaux la semaine dernière qui a piqué ma curiosité. Les Sabres de Robert Val, qui n'ont plus d'entraîneur-chef depuis la démission de Guillaume Gay, qui est maintenant rendu avec les Aiglons d'Allemagne, se cherchent un nouvel entraîneur. Et également, selon ce que j'ai pu comprendre, on cherche également des gens pour s'occuper bénévolement de l'équipe. On va en parler avec le président Guy Larousse. Bonjour Guy. Bonjour. Guy, effectivement, est-ce que le partage que j'ai vu la semaine dernière, est-ce que c'est ça, parce que je sais que vous êtes à la recherche de l'entraîneur actuellement, est-ce que c'est pour l'entraîneur ou c'est pour les bénévoles aussi? C'est principalement pour l'entraîneur-chef, bien entendu. Souvent après ça, l'entraîneur-chef va choisir ses adjoints pour travailler et tout ça. Puis s'il y a des gens qui sont intéressés également de s'impliquer au niveau de l'organisation, c'est le temps de commencer à préparer ça pour avoir une équipe complète, comme on dit, pour l'automne. On était un petit peu déçus parce qu'il y a eu plusieurs approches qui ont été faites. Plusieurs fois, on a fait avoir des ententes avec différentes personnes, mais à la toute fin, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. C'est ce qui amène que là, on va refaire un pause pour sonder le terrain, pour voir l'intérêt qu'il y a des gens au niveau de l'implication du sport. Okay. Du junior de A, ça demande beaucoup. C'est ce qui bloque souvent les gens qui regardent pour être entraîneur. Ça demande beaucoup de temps. Okay. Puis bien souvent avec la famille, les enfants, etc., des fois, ça peut venir difficile à rejoindre les deux. Là. C'est quoi? C'est une vingtaine d'heures par semaine à peu près, hein? Oui, à peu près. C'est à peu près, là, grosso modo, ouais. ce que ça va demander, comme on dit, comme implication. Là. OK. Est-ce que depuis que tu as fait ce poste-là, est-ce qu'il y a eu des développements? Il y a certaines personnes là qui ont fait des échanges, mais c'est parce que ça prend également certaines compétences aussi. Ouais. Moi, j'ai beau aimer le hockey, j'ai beau être capable de critiquer dans les estrades, mais quand il vient temps d'être analyste du banc, j'ai aucune compétence là-dedans. Fait que moi-même, je peux pas faire ça. Puis il y a bien du monde qui peuvent aimer ça, puis ils peuvent vouloir s'impliquer, mais qui n'ont pas nécessairement le bagage pour du junior de A. Okay. Parce que c'est les jeunes sont plus vieux, les jeunes ont plus de maturité également. Ouais. Par contre, ça prend un peu plus de poigne aussi, puis d'être capable de se faire respecter. Là, c'est important là-dedans. Là. Ben effectivement. Est-ce que là, jusqu'à maintenant, tu as eu plusieurs refus? Est-ce que on est pas en mode panique, mais là on commence à être un petit peu désespéré de la situation? Ou c'est sûr que le 16 juillet, on n'a pas vraiment la tête au hockey, ça va probablement se décider aucun entraînement. Là. Mieux vaut agir plus tôt que d'attendre toujours à la dernière minute. Moi, c'est pas mon style de gestion. J'ai toujours aimé être prêt bien longtemps avant, puis être capable de peaufiner, puis d'avoir des stratégies d'équipe que d'attendre à toute fin, puis être en course. Tu sais, ça prend de la maturité là-dedans, puis ça prend du professionnalisme aussi. On l'a vu, c'est un gros défi avec les jeunes, autant des fois d'aller chercher des commandites, d'assurer quand même une bonne réponse là, de la part des entreprises, mais même des fois pour les jeunes, eux, payer leur propre cotisation, pas facile, pas toujours facile. Tu sais, des fois, ils vont mettre de l'argent ailleurs ou plus de dépenses ou que dans leur inscription. Fait que ça devient aussi une autre petite gestion, comme on dit, interne, qu'il faut faire malheureusement là-dedans. Là. OK. Là, vous vous donnez jusqu'à comment? Jusqu'au début septembre, vraiment, pour trouver un entraîneur? On ne sait pas. On va voir comment est-ce que ça va là-dedans, puis après ça. Je vous remercie pour l'entrevue. T'sais, ça peut susciter d'autres personnes à démontrer de l'intérêt. T'sais, plus on en parle là-dedans, plus les gens savent qu'on est à la recherche, plus ils vont être en mesure de communiquer avec nous. Là. À ce moment-là, ils peuvent communiquer directement avec moi aussi. Parce que là, les Sabres, c'était difficile au début, mais Guillaume a fait un travail colossal. Puis là, l'organisation de l'année passée, écoute bien, là, Guillaume, mais c'est toute l'organisation. Ouais. C'est un travail d'équipe, c'est une très bonne personne. Et bon, il voulait être plus près de chez lui. On comprend ça, tu sais, puis c'est juste normal. On a toute une organisation qui est en arrière, tu sais. Ouais. J'ai Roger Gay qui travaille, qui met des heures là-dedans. C'est incroyable, là, tu sais, comme gérant. Puis c'est toute qu'une implication, tu sais, puis même avec au niveau du conseil d'administration, veut pas, t'as toute une petite gestion là qui est à faire là-dedans. Qui demande beaucoup de temps. Tu sais, des fois, les gens, bon, ils vont voir ceux qui sont sur le front, mais c'est tous ceux qui sont en arrière, qui travaillent dans l'ombre, qui font en sorte que tu obtiens les résultats de là. C'est un travail d'équipe. Ouais, tu sais, c'est un travail d'équipe. Puis c'est sûr que ça prend des entraîneurs que les jeunes vont vouloir aussi travailler pour eux. Mm. Parce que tu as beau avoir le meilleur des coachs, si les joueurs se mettent à le bouder, ben ouais. T'es fait, ça marche plus. C'est le hockey, c'est un gros paquet d'émotions. Hein. Pas toujours très rationnel, là, mais souvent beaucoup d'émotions. Ouais. Ben, on se reparle bientôt. On va suivre le dossier de près, Guy. Excellent, merci beaucoup. Voilà, Guy Larouche, bon été à tout le monde. Le président des Sabres de Robert.